Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 5, colonne 2. Naissances et mariages. Naissance. À Worcester, Massachusetts, le 11 septembre courant, l'épouse de M. Frank S. Blanchard, une fille. À Actonville, PQ, le 29 août dernier, l'épouse de M. Elzéar Gendreau, un fils. Parrain et marraine, M. Victor Bachand et Mlle Aloysia Gendreau. Mariage. À Saint-Coudbert, les quatre courants, par le révérend M. A. Brien, curé du lieu, M. Victor Geoffrion, marchand de Fall River, Massachusetts, à Mlle Maria Georgiana Francesca, fille de l'honorable Dr. A. H. Parkett, sénateur pour la division de la Vallière. L'honorable Félix Geoffrion, M.P., pour Verchères, frère du marié, l'accompagnait. Nos meilleurs souhaits à l'heureux couple. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.